Jacques se mettant à tousser, c'est son maître qui lui raconte alors ses propres amours, qui se soldent par un meurtre, après lequel le maître doit prendre la fuite, et Jacques est emprisonné à sa place. Jacques sera délivré par 12 brigands qui souhaitent aller piller ce château où Jacques avait été soigné par Denise. Jacques empêche donc les brigands de piller le château où il retrouve son maître et il épouse Denise. On a voulu me persuader que son maître était devenu amoureux de Denise. Je ne sais ce qu'il y en est, mais je suis sûr qu'il se disait le soir à lui-même « S'il est écrit là-haut que tu seras cocu, Jacques, tu auras beau faire, tu le seras. S'il est écrit au contraire que tu ne le seras pas, ils auront beau faire, tu ne le seras pas. Dors donc, mon ami. » Il s'endormait.